Les deux pigeons. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en pays lointain. L'autre lui dit: Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux, non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore, si la saison s'avançait davantage, attendez les zéphyrs. Qui vous presse? Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontres funestes, que faucons, que réseaux. Hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper, bon gîte et le reste? Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit: Ne pleurez point. 3 jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu conter de point en point mes aventures à mon frère. Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage des pins vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai: J'étais là, telle chose m'advint. Vous y croirez être vous-même. À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne, et voilà qu'un nuage l'oblige de chercher retraite en quelque lieu. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut, son corps chargé de pluie. Dans un champ à l'écart, voit du blé répandu, voit un pigeon auprès. Cela lui donne envie. Il y vole. Il est pris. Ce blé, couvré d'un lât, les menteurs et traîtres appâts. Le lât était usé, si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin. Quelque plume y périt, et le pis du destin fut qu'un certain vautour, à la serre cruelle, vit notre malheureux, qui, traînant la ficelle et les morceaux du lât qu'il avait attrapé, semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nues font à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une masure, crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié, prit sa fronde et du coup tua plus qu'à moitié la volatile malheureuse, qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et traînant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droit au logis s'en retourna. Que bien, que mal, elle arriva, sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger de combien de plaisir ils payèrent leur peine. Amant, heureux amant, voulez-vous voyager? Que ce soit aux rives prochaines. Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé. Je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changé les bois, changé les lieux, honoré par les pas, éclairé par les yeux, de l'aimable et jeune bergère, pour qui sous le fils de Cythère je servis, engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments? Faut-il que tant d'objets, si doux et si charmants, me laisse vivre au gré de mon âme inquiète? Ah, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête? Ai-je passé le temps d'aimer?